Troisième partie. Réciter et appliquer le Coran. Allah nous a offert le Coran pendant le mois de Ramadan. Allah dit dans le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas la difficulté pour vous. Afin que vous en complétiez le nombre, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Par la suite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours donné de l'importance à la lecture du Coran pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. L'ange Jibril faisait réviser le Coran au prophète pendant le mois de Ramadan, et ceci chaque année. Et la dernière année de sa vie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a révisé deux fois le Coran avec Jibril en un seul mois. Le Coran est complet. On appelle les chapitres qu'il contient des sourates. Toutes ces sourates sont descendues du ciel comme tu les lis aujourd'hui. Il est interdit de changer quoi que ce soit dans ces sourates. Et sais-tu pourquoi? À qui appartiennent ces sourates? C'est à Allah qu'appartiennent ces sourates, car le Coran, c'est le livre d'Allah. Allah dit dans le Coran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Tous les musulmans et toutes les musulmanes doivent réciter le Coran. Chaque année, l'imam dans la mosquée récite le Coran en entier pendant les nuits de Ramadan. Grâce au Coran, Allah fait sortir les hommes du malheur pour les faire entrer dans le bonheur. Les hommes étaient perdus. Et Allah, le très miséricordieux, les a guidés par sa parole bénie. Tu m'écoutes toujours ? J'espère que oui, car ce que je te dis est très important. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tout ce qui est dans le Coran est la vérité. Tu dois donc croire à tout ce qui est dans ce livre fabuleux. Le Coran et ses règles doivent passer avant toute chose pour toi. Tu dois aimer les règles et les ordres qui sont dans le Coran, car ceci est l'islam. Et l'islam, c'est ta religion. Allah dit dans le Coran. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est par cela que tu seras heureux, parce que tu écoutes le Coran. Et parce que tu obéis et pratiques les ordres du Coran, c'est le chemin du bonheur, et ceci pour toute la vie. Je vais à présent t'expliquer quelque chose de très important. Toi, tu sais, quand tu es heureux, quand tu es content, tu souris, tu t'amuses. Mais par contre, tu ne sais pas si Allah est content de toi. Tu ne peux pas le savoir car Allah est au-dessus du ciel. Tu vois par la fenêtre le ciel où volent les avions? Ce grand ciel, si grand que tu ne sais même pas où il s'arrête. Eh bien, Allah est au-dessus de ce ciel et il est encore plus grand que ce ciel, mais tu ne peux pas le voir. Et sache qu'Allah aime le bien et il veut le bien pour toi. Alors, il t'a donné le Coran pour savoir s'il est satisfait de toi. Sache que plus tu vas pratiquer les ordres du Coran, plus Allah va t'aimer. Et plus Allah va t'aimer, plus tu seras heureux.